Vous écoutez France Inter et vous avez bien raison, il est 17h07. Bonjour, bonsoir Charline. Bonsoir Hélène. Vous êtes toute seule alors? Oui, écoutez, non. Toute seule. Alex vous a abandonné. Alex m'a abandonné, il est à Bruxelles aujourd'hui. Mais Guillaume est là. Guillaume est là et j'étais attentive à votre dernier flash. Il a été question de spermatozoïdes prélevés sur des testicules immatures. Tout à fait. Et juste après, vous lancez la bourse. Voilà. Et vous êtes fière. Et ouais, des années de journalisme. Je suis heureuse que vous ayez signé. Oui, c'est comme ça. Petite transition. Voilà. Voilà, c'est pour vous donner le ton. Notre invité vient de partir. Je sais pas ce qui se passe. Allez, écoutez ce qui s'est passé ce matin, parce que nous avons préparé cette émission. On ne dirait pas, ah mais oui. En conférence de rédaction. Bonjour les amis. Bonjour Charline. Aujourd'hui, moi, je suis toute guillerette. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'on reçoit Mathilde Amé. Oui, oui. Et surtout parce qu'Alex n'est pas là. Oh, bah, t'es vache avec Alex quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, mais je l'adore. Enfin, là, on reçoit Mathilde Amé en mai. Il aurait fait des jeux de mots, ça aurait été insupportable. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Mmh. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un point sur les invités à venir. Ah oui, moi, j'avais pensé à inviter Tom Novembre. Tom Novembre. Non, mais Guillaume, tu vas pas t'y mettre. Mais non, j'aime bien Tom Novembre, c'est comme ça. Ah, bah, ok, j'avais une autre idée. Sinon, j'avais pensé à Bruno Mars. Ouais, c'est ça. Tu me prends pour une quiche là. Mais non, j'aime bien Bruno Mars. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Qui d'autre si t'es si malin? Je sais pas moi. Qui c'est? Lavigne. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Excellent. Excellente idée. Toi aussi non? Qui d'autre? Le maréchal Juin. Oh, le maréchal Juin. Il est mort. Le maréchal Juin en 67. En août. Il est mort. Je m'en fous. C'est ça. Fais ton malin. Et maintenant on invite qui? Bah alors je sais pas. Si tu veux pas nos idées aussi. Bah ouais. À ce moment-là, moi j'ai envie de te dire, fais ce qu'il te plaît. Ouais, parce qu'on est en mai, qu'on soit Mathilde Amé, c'est ça. Non mais t'es vraiment pénible. Mais il n'y a pas de mai. Bah si. Ah ouais, c'est ça, il y a Mathilda. Non, je vous ai pas vu venir, hein. C'était gros de maison. Oh, la vanne pourrie. Oh, c'est encore pire qu'Alex. Oh là là. Bonjour la France Inter et bonjour à tous les amateurs de jeux de mots de qualité. Vous écoutez l'émission qui passe les melottes à l'actualité et les menottes aussi. Oui, de temps en temps, voilà. Les melottes et les menottes. Et les voici deux. Les informations qu'on va attacher au radiateur jusqu'à 18h. L'organisateur des meetings de Sarkozy a aussi un petit peu organisé le mariage de Jean-François Copé. C'est un nouvel épisode de l'affaire Big Malion. Ça devait être un beau mariage avec du beau monde. Il y avait un mec qui gérait la circulation des vedettes. Il faisait comme ça. Allez, ça, toi, tu chantes, stop. Allez, viens à toi. À un moment donné, je me retourne. Qui je vois? Maria Carré. Arrête, sur ma vie, elle s'est incrustée. Ça y est, la gauche mène une réforme de gauche, la réforme des collèges. Donc la droite peut repartir au combat, comme les 65 millions de ministres de l'éducation nationale en France. Et ce n'est pas trop pour sauver l'enseignement. Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? C'est Internet Explorer. Plus belle la vie à trois, je vous laisse réfléchir à cette vanne. Plus belle la vie à trois, maintenant il se passe des trucs à trois dans Plus belle la vie, oui. Parce que c'est le reflet d'une génération, alors voilà ce qu'ont pensé les scénaristes. Tu m'as l'air trop confiant, hein. Tu sais, si ça se trouve, ça va les choquer. Personne ne peut refuser une bonne partouze. Et pour maltraiter ces informations, je suis accompagnée d'une bande de satire de l'actualité. À 17h20, vous entendrez la voix de velours et la poésie de Samir Bouadi. Bonjour Samir. Comme c'est gentil, comme tu es mignonne. Quel accueil, bravo. De quoi s'agirait-il? On va parler d'un mec un peu moins sympa que moi, Zlatan Ibrahimovic. Ah oui, voilà. C'est vrai. À 17h30, vous l'imaginerez en veste multipoche. Un micro dans l'une, des carambars dans les autres. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Charline. Alors moi je me suis rendu ce matin au pied de l'Arc de Triomphe pour les commémorations du 8 mai. J'ai rencontré plein de vieux patriotes qui perdent la tête. Oui, vous êtes intelligent. Ah non, certains sont encore très lucides je trouve. À 6h20, si elle porte des talons hauts, c'est pour atteindre le 6e étage de sa bibliothèque. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Charline. De quoi s'agira-t-il au 6e étage de la bibliothèque? Et bien on va parler de Robert Ménard et justement. Notre idole. Et d'un roman qui pourrait bien changer son tempérament. Oh bah donc. Alors, comme tous les vendredis, juste avant 18h, on retrouvera Frédéric Fromet, ses couplets acérés, ses refrains pointus et sa guitare plus arrondie. Dans cette émission, nous sommes accompagnés d'une personne de référence, la personne sur laquelle nous comptons pour avoir des réponses à toutes nos questions. Un référent de la République. Vous êtes né sous De Gaulle, vous recevez le premier prix de danse du Conservatoire National Supérieur de Paris en 83. C'est l'année où Michael Jackson se déhanche sur Billie Jean. Vous recevez le César du meilleur espoir féminin pour Le cri du hibou de Claude Chabrol en 88. Tandis que le cri du caribou, cette année-là, c'est aussi Céline Dion qui remporte l'Eurovision. Vous formez un duo au théâtre avec Pascal Légitimus dans Plus si affinité en 2008. C'est l'année du retour de ACDC. Je vous laisse nous annoncer, mais je pense qu'on a deviné qui vous êtes. Vous êtes. Je suis Mathilde Amet. Bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Mathilde Amet, vous avez conçu du sol au plafond ce spectacle qui s'appelle Open Space, qu'on peut voir au Théâtre de Paris. Ça a recommencé hier au Théâtre de Paris et on peut le voir jusqu'au 12 juillet. Donc on a le temps, mais n'attendez pas trop parce que alors on a été bluffés. Alors il faut qu'on dise à nos auditeurs, on n'a pas eu l'occasion de le voir hier soir en live. On a vu 15 extraits en vidéo et c'est déjà ces 15 minutes en vidéo nous ont vraiment bluffés. Vous composez la musique, vous mettez en scène. Vous avez conçu cette open space qui ouvre le matin, on le suit toute la journée, il ferme le soir, avec ces comédiens exceptionnels parce qu'ils savent tout faire, presque. C'est assez difficile d'exprimer ce que c'est, mais on va écouter un extrait sonore et on va en parler. Au début, cette histoire d'open space et de voir la vie de ces gens qui travaillent, l'aspect sonore est très très important parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Il n'y a absolument aucun dialogue. Ce sont que des borborygmes. C'est une imitation de langage, un petit peu comme faisait Jacques Tati. C'est-à-dire qu'on comprend par la musique ce qui est dit. Par exemple, quand les standardistes dans les entreprises décrochent le téléphone, il y a une musique particulière qu'on connaît tous qui fait « j'ai ou ». Et cette musique-là, on la reconnaît sans comprendre pour autant les mots précisément. Et donc, c'est comme ça que j'ai procédé pour faire parler mes personnages. C'est une tradition du cirque. Ah bon ? Il y a beaucoup de ça, très souvent dans les films. Les clowns ? Oui, et bien sûr, c'est le principe du cirque, c'est la tranche de vie. Il y a un côté circassien. La tranche de vie où il n'y a pas de dialogue et de phrasé compréhensible immédiatement, ça c'est une tradition du cirque. Oui, de comédia dell'arte aussi peut-être. Ah oui, c'est possible. J'ai pas cherché à imiter quelque chose, j'ai cherché à produire une sensation. Je me suis dit qu'en privant, quand on prive quelqu'un d'un sens, par exemple si on ferme les yeux, on entend mieux. J'ai constaté que sans texte, il y avait une vigilance différente qui s'opérait, une acuité particulière pour faire sens en fait sur ce qu'on voit. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de mots met le spectateur dans une disposition particulière pour vraiment être peut-être plus dans le ressenti quasi physique des situations. Et les situations avec aussi, donc, une sorte, là, il y a un peu de danse, un peu de mime, de clownerie, parce que vos comédiens sont exceptionnels, ils savent faire des choses qu'on voit rarement chez les comédiens. Il y a une palette de jeux dans les mimiques, les attitudes, les danses. J'imagine que le vivier est assez restreint de comédiens qui sont capables de faire tout ce qu'on voit sur scène. Ça a été vraiment la partie difficile de ce spectacle. Le vrai défi, ça a été de trouver ces gens qui puissent avoir des compétences dans trois disciplines. D'abord le rythme, parce qu'il y a des partitions rythmiques. Je pars du principe des nuisances sonores qu'on retrouve dans les open space. Il en sait quelque chose. Voilà. Et tout le monde connaît ça, en fait. C'est devenu l'endroit le plus fréquent de travailler en entreprise. Et je développe, en fait, ces nuisances en rythme. Donc, il fallait que les comédiens sachent aient des notions rythmiques, suffisamment pour apprendre des partitions rythmiques, et puis puissent... suivre une chorégraphie, donc soit dans le corps assez à l'aise pour ça. Bon, j'ai fait une espèce de formation accélérée. J'ai pris d'abord des comédiens, parce que c'est d'abord une histoire qu'on raconte avec... il y a une théâtralité. Et puis, j'ai fait, pour certains, une formation un peu accélérée de chant, mais ils avaient tous des dispositions dans les trois disciplines. Est-ce que le fait de faire la part belle au corps, ça, c'est directement lié à votre passé de danseuse ? Oui, effectivement. J'avais mis de côté... tout un acquis finalement de ma première vie qui était ma vie de danseuse et c'est resté ancré, j'ai continué à garder un pied dans la danse, j'ai vu énormément de spectacles de danse contemporaine qui sont très inspirants, j'ai gardé un pied dans la danse et finalement j'ai utilisé ça pour faire par exemple des techniques qu'on ne voit qu'à l'image, de ralenti, d'accélérer, de rewind, donc j'ai vraiment chorégraphié tout ça avec les comédiens. Et une sorte d'aliénation de l'open space qui est élevée au rang d'art et donc là on voit que l'art est plus fort que l'aliénation de l'open space dans ce que vous avez fait. L'art s'est transcendé, alors effectivement transcender le réel pour le rendre vivable. Alors on va écouter, deux petits extraits. Vous pourrez distinguer la différence des extraits par le claquement de main que vous avez l'habitude d'entendre dans cette émission. Il y a un moment, le directeur entre dans l'open space et on va aussi entendre le côté standardiste. Écoutez cet univers sonore, mais évidemment le visuel est extraordinaire, mais déjà rien que le sonore. Alors on va s'entendre. Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de rang, on n'a rien à craindre. Là, c'est pas là qu'il y a là. On n'est pas là en temps de C. On est pizza, et au point, et t'es, et t'as un frachetine, un bon, et stagin, dragon, et stagin, rigin. Et voilà. Et l'humour aussi pour déminer cette réalité. On dirait un discours de Sarkozy, comme ça. En fait, le principe, c'est l'association d'idées et extrapolées. C'est-à-dire que dans la réalité de la vie, si on observe bien, il y a plein de choses qui sont drôles et absurdes. L'open space est un lieu en soi assez absurde. Tout le monde parle à côte à côte, essaye de travailler. Enfin, ça me semble, quand on passe dedans, moi, je trouve ça assez absurde. Pour autant, c'est la réalité de la vie de beaucoup de gens. Et le principe d'associer une idée à une autre et puis de développer, d'étirer. De tirer le fil jusqu'à l'absurde. Voilà. Ouais, oui. Et donc, beaucoup d'humour aussi pour déminer toute cette réalité. On va mettre la bande-annonce de Open Space sur notre page si tu écoutes J'annule tout sur franceinter.fr. Allez voir, ça va vous donner vraiment envie d'aller voir au Théâtre de Paris jusqu'au 12 juillet. C'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h30. Vous êtes dans Si tu écoutes J'annule tout et on a choisi ce morceau pour vous. Non, il n'y a pas de jeu de mots, pas chez nous. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. D'un ventre épais, j'ai foutu le camp. Mais scarifié, mais en pleurant. Mais sacrifié, mais en passant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, mais pourtant j'ai déchiré à grands coups de dents le fil d'acier m'emprisonnant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps, moi qui rêvais d'hiver tout blanc. Daniel Darc, c'est moi le printemps sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Mathilde Amet. Ah, ça tombe bien, jusque 18h, avec Guillaume Meurice, Clara Dupont-Monod, Samir Boisdi. Et là tout de suite, Guillaume, c'est le moment de notre petite revue de presse à deux voix. nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. L'info au kilo. Et donc, on commence avec les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy. Et oui, j'ai lu dans l'Express que son avocat allait plaider la nullité. Oui, ça devrait être crédible. Oui, a priori, c'est comme quand DSK plaide le vice de forme. Voilà, en effet. On continue avec une information internationale. Jean Todt, ancien manager de l'écurie de Formule 1 Ferrari, a été nommé envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité routière. Oui, une bien belle initiative pour un mec qui s'est fait connaître en faisant rouler des bagnoles à 300 km/h. Enfin, rassurez-vous, hein, si vous devenez tétraplégique suite à un accident de voiture, l'ONU vous proposera sans doute un poste d'envoyé spécial pour la mobilité. Rappelons que Todd est aussi connu pour sa faculté à devenir de plus en plus con à chaque intervention télévisée. Ah bon, Jean Todd ? Non, Emmanuel Todd. Ah oui, bah, je comprends mieux. Oui. Oui. Et on termine avec le dernier épisode tant attendu des Fronts de l'Amour. Rien ne va plus au Front National. Jeanne, le micro-parti de Marine, a été mis en examen pour escroquerie. Jean-Marie ne voit pas ça d'un bon œil et pourtant, il n'en a plus qu'un. Alors, arriveront-ils à trouver une solution à leur problème? Une solution définitive? Une solution finale? Oh Marine, ma fille, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jeanne? Jeanne? Jeanne d'Arc? Mais c'est notre mère à tous! Certainement pas la tienne! Ah bon? Allons, ça non, je l'ai bien connue, ta mère. Et je peux te dire que c'était loin d'être une pucelle. Tu l'as pas vue dans Playboy? Mais papa, comment oses-tu? Tais-toi, idiote! Je te parle de Jeanne, ce micro-parti que tu as créé et qui est soupçonné de fraude. Marine, ne réponds pas! Oh papa, mais tu as entendu ? Quoi ? C'est Jeanne, notre sainte Jeanne ! Jeanne ? Jeanne ? Jeannette ? Jeannette Bougrab ? La veuve de Patachou ? Mais non, Jeanne d'Arc, elle me parle, je l'entends ! Ouais, ça va, calme-toi ! Oui, mais c'est elle qui me guide et me conseille ! Oh non, ça y est, elle s'enflamme. Oh non, ça me rappelle Rouen. C'est elle qui t'a conseillé de te déguiser en sac poubelle au dîner du Time ? Mais oh, dis-lui qu'il aille se faire foutre ! Mais Jeanne, je ne peux pas lui dire ça ! Mais à qui tu parles, enfin ? Mais à Jeanne ! Tu entends des voix, ma fille ? Oui, mais toi, quand tu parles, tu m'en fais perdre. Oh, ne crois pas ça. Grâce à moi, tu passes pour quelqu'un de fréquentable. Oh oui, c'est vrai, papa. On fait une belle équipe tous les deux. N'est-ce pas ? Allez, file dans ta chambre. Pas à gaz, hein ? Je t'aime, papa. Allez, dors bien, ma fille. Jean-Jacques Bourdin va venir te border. Voilà, c'était le dernier épisode des Fronts d'Amour. Oh, nous avons tenu toute la semaine avec ça. Ah là là, quel épisode quand même. Oui, quelle histoire. C'est une histoire incroyable. Que vous avez un peu suivie, j'imagine. Oui, bah, déjà, enfin, Le Pen, Jean-Marie, a toujours, toujours tenu le même discours. Hein. Sa politique est fondée sur un discours qui n'a jamais changé. Donc tout à coup, on s'en offusque, enfin... Sa fille s'en offusque. Un disque rayé, c'est complètement absurde. Et puis, je trouve ça très intéressant sur le plan politique, ce qui se révèle de lui dans cet épisode, à savoir une réelle paranoïa, peur de la trahison, qu'il met en place pour, évidemment, justifier sa paranoïa. Prophétie autoréalisatrice. Et donc, exactement. Et donc là, on voit le fondement même de sa politique qui est basée sur un fond de paranoïa avec ceux qui vont venir nous prendre notre place, ces immigrés qui nous chassent et la peur de perdre, d'être dépossédé. Donc on sent vraiment la nature même des fondations de ces idées. Et là, on est dans la grande politique et on va y rester. Parce que c'est de la grande politique. Hein. Oui. Comme par exemple le premier sujet avec Jean-François Copé, qui craignait de tomber dans l'oubli et qu'on ne l'entende plus. Ça sert à ça, les casseroles qu'on traîne derrière soi pour se faire entendre. Comme des prestations offertes par Big Malion. Alors, il y a notamment la vidéo de mariage de Copé ou la location des rideaux. Attention. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer, Amine Dada. Il a dit qu'il verrait ça après. Après ? Non, mais je la connais, la chanson. Il veut payer comment ? En franc CFA ? Ah non, mais moi je te préviens. Sur l'argent, je ne céderai sur rien. C'est une question de principe. Où tu vas ? Dormir dans le canapé. Je supporte plus tes réflexions racistes. Ah. Fasciste. Cateau de gauche ! Chantal Lobby et Christian Clavier dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors voilà, Big Malion qui, je rappelle, a surfacturé les frais de campagne de Sarkozy, la généreuse entreprise qui frôle le Nobel d'économie quand même, il faut le dire, a offert donc la vidéo de mariage et la location des rideaux pour quelques milliers d'euros. Mathilda, mais vraiment, est-ce qu'on ne s'attache pas là à des détails? C'est presque de l'acharnement sur un pauvre homme. Le pauvre, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Voici, il vous touche, je sens. Mais je suis bouleversée. C'est un personnage. Il va continuer à faire de la musique, il est très bon pianiste, bon trempi. C'est vrai. Il a dit, comment pourrais-je payer si on ne me demande rien? Mais oui, c'est Jean-François Copé. Alors, c'est vrai. Au-delà de ça, c'est un énième épisode d'une affaire politique, de scandale. Là, voilà, hier, on a reparlé de Nicolas Sarkozy, dont les écoutes ont été validées. On découvre que son porte-parole, ancien conseiller, Franck Louvrier, est en garde à vue. Et puis, on est dans des locations de rideaux de mariage, etc. Est-ce que vous regardez ça avec un peu de distance, ça vous détourne de la politique? Vous gardez un œil? Non, je trouve ça triste pour la politique et pour... moi, je viens d'une époque où... une génération où la politique avait une grande importance et il y avait des débats. On se battait pour défendre... On avait des idéaux avec des personnages qui représentaient ces idéaux. On regardait vers le haut ces idéaux. Et aujourd'hui, je suis effondrée par le discrédit que les politiciens mettent en place eux-mêmes. Ah oui, exactement. C'est une très belle conclusion, d'ailleurs. Au revoir. Alors, alors, il faudra que Samir Bouadi, derrière vous, soit à la hauteur. Ça va être très dur. Avec sa chronique. C'est Mathilde Amé. C'est pas gagné du tout. Ah ben, écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler parlant de hauteur d'un grand type. Il s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Alors, c'est quoi Zlatan? C'est un grand joueur de foot suédois, mais on peut aussi affirmer que c'est un grand suédois joueur de foot. C'est comme vous voulez. Tout est grand chez lui et tout est loin. La queue de cheval est longue, les jambes sont longues, la gueule est grande. Une grande gueule qui, il y a peu, a qualifié notre magnifique pays, pas au foot, mais il l'a qualifié tout simplement de pays de merde. L'affaire avait fait grand bruit, et ce qu'il faut retenir, c'est pas que cette sortie malheureuse est indigne, c'est surtout que ce constat, cette sentence, fut éructée par un homme qui n'a jamais fait la queue à la poste, qui n'a jamais passé la nuit dans un TGV bloqué entre Pont-à-Mousson et Metz. Bref, un mec qui connaît pas bien la France, comme moi, ça m'arrive une paire de fois. Bref, Zlatan Ibrahimovic est un sale gosse gâté, une diva qui palpe plus de 15 millions d'euros par an, sans payer d'impôts, un type égoïste, un faux rebelle tatoué revêche à la langue râpeuse, qui pourrait d'ailleurs faire une carrière de rappeur tellement il est en colère. En colère contre d'autres joueurs qui, comme lui, ont eu des gestes moyens, des attitudes de basse altitude, des crampons essuyés là où ça fait mal et des regards méchants à faire trembler la patrie. Mais ce qu'il faut retenir de ce garçon adulé par toute une frange de la population, cette frange qui se dit roulée dans la fange, qui se dit trahie à tort ou à raison et à travers, cette partie du peuple de France qui ne trouve rien à redire lorsqu'on dit du mal de la France, justement, ce qu'il faut retenir de ce garçon, c'est donc cette capacité à fédérer les réprouvés ou pseudo qui voient en lui le chantre de l'égotisme, le héros de l'individualisme. Sa supériorité exhibée, son torse bombé, sa suffisance à peine surjouée, ce rituel, cette posture pourrait nous faire oublier que le foot est un sport collectif, collectif, collectif. Et le problème, c'est que ce sont les grands joueurs de foot qui font le foot. Le foot n'existe pas s'il n'est pas incarné et le règlement est là pour être torturé. C'est comme ça. Et Zlatan est un grand joueur de foot. Donc Zlatan est un joueur de foot qui joue au PSG. Bah oui, il joue au PSG. Et il est en passe de dépasser un record de buts. Alors l'affaire est toute simple. Un certain Paoletta, ex très grand attaquant du PSG, a établi un record et Zlatan est à 5 buts du Graal. On s'en fout complètement, mais en fait, on s'en fout pas vraiment. Parce que s'il fallait comparer les deux hommes, on comparerait deux époques. L'ancienne, oui. C'était il y a peu, il n'y a même pas 10 ans, était une époque où les grands joueurs souriaient. Eh ouais, là, ils souriaient. Ça existait, ça existait. Je vous jure, c'est vrai. Paoletta plantait des buts et courait ensuite se faire tripoter le cul par ses copains, qui lui léchaient la tête comme une grosse glace à la morue. Portugais, Paoletta. Donc, à l'époque, même méchant sur le terrain, il souriait, les joueurs. On disait d'ailleurs, à cette époque, Zidane est génial. Et en plus, il est timide, c'est formidable, c'est dingue. I love him. Et t'as vu ses yeux? On dirait un aigle bébé. Ça s'appelle un aiglon. On a envie de le protéger. Bon, cette phrase ne veut absolument rien dire, mais j'aime bien l'idée de protéger un aiglon, de l'élever, de lui mettre des petites couches, comme un singe. Comme ça, on s'en fout. Bon, en même temps, Zlatan, il a quand même marave sa race à un Italien qui portait presque un nom de voiture en lui explosant la cage thoracique lors d'une finale que la France aurait pu gagner. Zidane serait devenu plus grand, le plus grand, encore plus grand que lui maintenant. Tout ça pour dire que les temps changent et que les méchants plaisent de plus en plus. Zlatan, c'est Batman, et Batman plaît beaucoup, et pas qu'à Robin. Qu'est-ce qui peut bien nous plaire chez les méchants. Ah oui, je crois comprendre. On se dit qu'ils ne sont pas si méchants que ça, qu'ils se protègent, que s'ils ouvrent leur cœur, ils plongent, et c'est foutu. C'est peut-être ça, et c'est aussi peut-être qu'on est con, on est assez con pour trouver les gens silencieux, mystérieux, les gens calmes, potentiellement explosifs, les gens bêtes, certainement très malins, et les gens blonds, possiblement bruns, après teinture. Hein. La teinture du réel par la connerie des projections, notre sort à tous. Bref, Zlatan va donc jouer ce soir contre l'équipe de Guingamp, et il risque fort de faire parler la poudre, avec ou sans crise de nerfs, avec ou sans coup de gueule, mais toujours avec ses tatouages et sa gueule d'enterrement. En parlant d'enterrement, Philippe Muret, qui n'est plus de ce monde, avait en son temps écrit un article dans Marianne qu'il avait titré « Rebelle et tais-toi ». Article qui traitait du béni oui-ouisme supposé de ceux qui disent oui. Oui au marché bio, oui à tout ce qui va devant et qui croit en demain. Pour la faire courte, Zlatan ne dit jamais oui. C'est donc cela, hein, c'est donc cela la définition de Muret. Zlatan serait finalement un conformiste. Tout cela est possible. Et de toute façon, on n'en a rien à jongler. Zlatan est au foot ce que Poutine pourrait être au curling. Une abstraction, une idée, un projet de vie. Et pour finir, bah, il joue bien au foot, Zlatan, quoi. Ah, bah, voilà. Alors, ça, c'est clair, au moins. Merci, Samir Bouadi. C'est tout de suite plus clair, le foot. Alors, donc, ce soir, il y a match. Mais ce soir, il y a aussi au Théâtre de Paris. Open Space, Mathilde Amé a mis en scène, a composé la musique. J'ai composé avec la musique, j'ai composé avec Nicolas Montazo, qui est un très bon percussionniste. On a travaillé vraiment en collaboration étroite tous les deux. Yeah. Django. Ce sont des Écossais qui chantent First Light. Vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie de Mathilde Amé au Théâtre de Paris jusqu'au 12 juillet. Vous pouvez voir Open Space. On va parler avec Mathilde Amé un petit peu d'actualité. Mais avant cela, je vous présente Guillaume Meurice, qui est un reporter un peu coquin, humoriste, mais oui, enfin, vous taquinez les gens. Pas trop loin, Charlie. Non, il taquine, mais en taquinant, il lève des lièvres et parfois des choses très intéressantes. Un reporter coquin, donc. Oui, très peut-être coquinou. Très bien, très bien. Eh bien, je vais vous dire une chose aujourd'hui, et tant pis si je prends des risques, voilà. Tant pis si je reçois beaucoup de messages d'insultes, que Clara Dupont-Mono monte sur la table pour me griffer le visage. Je m'en fous, je me lance. Je trouve personnellement que la guerre, c'est pas bien. Bam, oh, allez, voilà, c'est dit, non, je m'en fous. Allez, je m'en fous, jugez-moi tant que vous voulez, j'assume. Enfin, j'assume. Attention, moi, je me casse. Non, attention, c'est pas une phrase de moi, hein. C'est une citation d'une géopoliticienne qui se fait appeler Miss France, d'ailleurs. Une citation parfaitement d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on fête l'armistice de la guerre 39-45. Je me suis donc rendu ce matin sous l'Arc de Triomphe, où des anciens combattants s'étaient réunis. J'en ai interrogé un sur une théorie historique que je défends. Est-ce que l'invasion de la France par l'Allemagne, ce ne serait pas tout simplement la faute des Belges? Non, parce que ça aurait passé, ils auraient passé ailleurs, vous savez. Ah oui, mais on comptait sur les Belges. La ligne Maginot, on l'avait construite sur la frontière française. Oui, parce qu'on n'a pas, compris qu'il fallait aller jusqu'à la mer. On a trop fait confiance aux Belges. Oui, puis l'armée belge non plus n'était pas non plus une armée importante aussi. Ouais. Voilà, tout ça à cause de votre armée belge pourrie. Voilà, franchement, merci les Belges. Oui, comme dirait Alex Vizorek, on a dit, écoutez, allez, c'est par là. Bah voilà, et bravo, merci. Bon, en même temps, sans votre armée pourrie, on n'aurait pas eu un jour férié aujourd'hui. Donc on pourrait dire vraiment sincèrement, merci les Belges. Alors, il n'y avait pas que d'anciens combattants ce matin, il y avait également des jeunes patriotes, avec qui j'ai parlé budget de la défense. Que la France remonte un petit peu ses budgets de défense dans un monde aussi instable qu'aujourd'hui, ça paraît tout à fait logique. Mais si tout le monde remonte ses budgets de défense, ça va finir par être des budgets d'attaque, non? Ouais, alors le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire que quand vous êtes en face de personnes qui sont armées jusqu'aux dents et qui massacrent d'autres qui sont sans armes, comment est-ce qu'on va aller les défendre? Avec des planches à roulettes? Bon, alors là, ok, c'est vrai que, bon, à moins que ce soit l'armée belge en face, parce que là, ça devrait suffire. C'est vrai que l'armée belge, on peut l'attaquer avec ce qu'on a sous la main, de la mie de pain, ou alors des promesses de François Hollande quand il s'attaque au monde de la finance. Enfin, plein de trucs inoffensifs comme ça. Uh-huh. Mais bon, ouais. On comprend la logique défendue par ce jeune homme. Uh-huh. Le but, c'est d'être plus armé que tous les autres pays qui eux-mêmes essaieront d'être plus armés que nous. Au risque que ça provoque des tensions. Mais d'après ce jeune homme, c'est pas grave. Je pense qu'à partir du moment où les choses sont faites sous les mandats de l'ONU... Par exemple, en Irak, les Américains, ils n'ont pas eu besoin de mandat de l'ONU pour attaquer. Et c'est tout le problème, et c'était complètement illégitime, et c'était une véritable catastrophe. Si l'Europe avait été aussi puissante militairement que les États-Unis, on ne les aurait pas attaqués de toute façon. On ne les aurait pas attaqués, par contre, ils seraient peut-être partis un petit peu moins sereins attaqués tout seuls en Irak. Ah oui, ils auraient attaqué quand même, mais un tout petit peu moins sereins, les gars. En se couchant le soir, ils se seraient dit « Oh, disons quand même, t'as vu, grâce à l'Europe, t'as vu, les Belges, oh, ils vont bientôt avoir des munitions en mousse pour mettre dans leurs pistolets en carton. Ils auraient flippé leur race. » Les Américains, et voilà. Bon, alors ce matin, il n'y avait pas que des anciens combattants ou des jeunes patriotes, il y avait aussi des badauds, dont un monsieur qui était venu, pourquoi ? Je suis là pour m'accueillir sur la Marseillaise, c'est tout. Et à partir de là, ça sera terminé. Mais lorsque je vois qu'ici, il y a la moitié du public qui fait partie des fonctionnaires de police de l'intérieur... Vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de forces de police ? Ah, mais bien sûr, monsieur. Mais c'est pour sûr, la sécurité, non ? Non, ce n'est pas la sécurité, c'est faux. Mais c'est pourquoi, là ? Ben c'est parce que comment il faut tenir les gens, parce que monsieur s'est fait huer les autres fois et qu'il faut étouffer ça dans l'œuf. Ah voilà, donc une personne qui était venue se recueillir tranquillement sur la Marseillaise mais était quand même bien dégoûtée de pas pouvoir siffler François Hollande au passage. Alors moi j'aime bien ce genre de personne, je vous le dis, donc je voulais discuter avec lui, mais je crois que je l'ai assez rapidement saoulé. Allez, mais alors, attendez. On est entre gens intelligents. Bon, ah, vous, ici, oui. là, non, moi, non. Vous. Ah bah alors il n'y en a qu'un des deux déjà. Non. Nous sommes entre gens intelligents lorsque vous faites vos démissions. Ah. Moi je suis humble, je suis navré, je suis chrétien. Vous êtes chrétien ou crétin ? Je suis chrétien. Oui, bon, c'est pas la peine de jouer. Vous voyez, vous êtes intelligent. Ah, donc on était quand même dans un processus de réconciliation à base de jeux de mots. Mais... avais-je affaire... C'est un lubrifiant social, le jeu de mots. Oh, c'est une belle expression. Oh. Bon, avais-je affaire à un vrai patriote ? Monsieur, j'ai servi 16 mois à l'armée. Hein. C'est tout ? Ça aurait été 24 mois, j'y serais venu. Mais maintenant, si demain, il faut malheureusement... À 70 ans, on va voir ce qu'on peut faire. Oui, bon, on va surtout espérer qu'il n'y ait plus de guerre, hein, parce qu'à 70 ans, il aura la même efficacité qu'un char d'assaut belge, hein, je pense, à mon avis. Terminons avec une brave dame qui se disait patriote également, et à qui j'ai demandé son sentiment sur la montée du Front National. Écoutez, moi, je ne suis pas là ici pour faire de la politique. Je suis là pour commémorer une grande date dans l'histoire de la France, c'est tout. Mais c'est lié quand même. Je sais pas, non, pas forcément. C'est lié à l'histoire de la France, la victoire. Mais on a vu Marine Le Pen, par exemple, se rendre à un bal où il y avait des anciens SS. Ah, peut-être, mais bon, ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Et c'est bien dommage, car comme le veut l'expression, il y a plus effrayant que le bruit des bottes. Il y a le silence des pantoufles. Joli. Oh, merci, oui. Guillaume Meurice. On est ensemble jusqu'à 18h avec Mathilde Amé. On va se remettre sur les sujets de fond. Ah oui, hein, bien sûr, oui, changeons le monde que, un bon, petit peu. Parce que la guerre, bon, ça va, il y a un moment. Ça va 5 minutes, hein, voilà. Sujet 2, eh bien, on dit de l'équipe de France de football qu'elle a 65 millions de sélectionneurs, n'est-ce pas, Samir? Oui, tout le monde a raison, tout le monde donne son avis. Eh bien, il me semble qu'à l'éducation nationale, c'est pareil. Ouais. Il y a 65 millions de ministres, à peu près, non? Oh, bah, tout le monde donne son avis, en tout cas. En gros, il n'y a jamais rien qui va, et les résultats, bien sûr, s'en ressentent. Laetitia Allard. Ah, bon travail. Ouais, pareil, pareil. Moi, j'ai marqué sympa. En sport, elle bouge bien son cul. Hein. Vous déconnez ou quoi, 7,7 de moyenne? Oui, non, mais si on la fait redoubler, elle va en faire doubler tout le collège. Hein. C'est la deuxième de la classe. Ah, c'est la deuxième de la classe. On l'a fait passer. Hein. Mmh. Compliment. Hein. Ah, ouais. Félicitations. Félicitations. Ouais. Félicitations. Ouais. C'est un extrait du Palma Show. Ah oui. Et vous avez entendu, c'est bien, je les adore, ceux-là. Ah oui. Ah ouais. Ah bah, on entendait à un moment la voix de Thomas VDB qui avait une réplique assez courte, je pense, dans cet extrait. La réforme des collèges. Alors on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Nous, je sais pas si vous avez jeté un œil, mais non. Alors là, c'est assez récent, donc j'étais en autarcie moi à ce moment-là dans mon open space. Ah, j'ai pas suivi cette affaire là précisément. Bon, écoutez, alors on va essayer de vous résumer. Donc il y a un article dans Libération aujourd'hui que je vous conseille parce que moi j'ai compris des choses. C'est tout con, mais Libération nous rappelle que cette réforme en fait nous ramène à un affrontement droite-gauche, parce que vous rappelez tout ce qui est économie, etc. Pour la droite, c'est difficile d'attaquer la gauche parce que la gauche fait une politique de droite. Oui, jusque-là. Ça, jusque-là, voilà. On avait suivi. Alors, la réforme, en tout cas, par exemple, supprime les classes bilingues ou le latin pour éviter de constituer des classes de niveau. Parce que les familles aisées y trouveraient un moyen de contourner la mixité sociale. Il y aurait des classes de niveau avec les classes plus difficiles et les classes... voilà. Donc, retour de l'affrontement gauche-droite. Voilà, moi j'avais simplement envie de vous demander. ce débat est tellement passionné. Vous qui êtes maman, vous rappelez avoir... je pense que vos enfants sont un peu grand maintenant pour le collège, le lycée. Oui, rappelez que je suis une personne un petit peu âgée. Non, pas du tout. Les enfants sont adultes depuis longtemps. Ah, mais non, pas depuis longtemps quand même. Alors, un parent passionné, soucieux et impliqué, il regarde un peu les programmes, il met son avis, il met son nez là-dedans. L'éducation nationale, c'est assez passionnel toujours. Oui, mais alors je vois aussi que c'est très très compliqué de réformer. La moindre réforme qui concerne l'éducation soulève à chaque fois des tonnes de controverses. C'est très compliqué. Or, il faut bien que les choses bougent. Et je vois à quel point l'immobilisme fait face à chaque fois à la moindre tentative d'évolution et de changement. Oui, parce que le monde change, donc le programme doit changer. Il faut quand même aller faire bouger un peu les choses. Le navire éducation nationale prenant l'eau quand même depuis un moment. Ouais. Est-ce que ça vous semblait être une priorité que de toucher par exemple à l'enseignement du latin et du grec? Est-ce que c'était une priorité quand on sait que les... Vous en avez fait, vous, Mathilda, de latin et du grec ou pas? Évitons le sujet. de ma scolarité, s'il vous plaît. Soyez gentils. Ah, vous étiez la deuxième de la classe qu'il a fallu faire redoubler, peut-être. Voilà, exactement. Voilà. Non, mais à partir du moment où on peut toujours dire que voilà, on ne va pas s'attaquer à ça, c'est pas une priorité, et en même temps, si le but, ce n'est pas de supprimer quelque chose, c'est de pouvoir faire bénéficier tous les enfants d'un même niveau. Enfin, c'est complexe, là, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, je ne maîtrise pas assez le sujet-là. Mais nous non plus. Précisément. Là, vous avez un mauvais souvenir du latin. Je n'ai pas de souvenir de latin. Voilà, je n'en ai pas fait. Et moi voilà. C'est peu, je dois dire, mais ça a formé l'esprit. Il doit en rester quelque chose. Ça forme l'esprit, bien sûr. Non, mais ça forme l'esprit, hein. Oui, si, il faut tout à fait. Voilà, il est 17h45 à Saint-Ouen et sur France Inter. Et c'est l'heure de Clara Dupont-Mono et de ses livres. Oui, en parlant de former l'esprit. Parce que l'actualité, Charline, c'est toujours le décompte des écoliers prétendument musulmans effectué par Robert Ménard à Béziers. Cette initiative, quand même, elle a plongé les valeurs républicaines dans un bain d'effroi. Hein, oui, bah, nous aussi. Hein, voilà, on finit pas de bouillonner, et en fait il serait peut-être grand temps que Robert Ménard devienne gentil. Mais oui, gentil. Bah, et sur Mars, possible. Oui, c'est possible. Oui, parce que pour qu'il devienne gentil, il y a un moyen. Il n'y a pas 36, mais il y en a un. Mm-hmm. Il faudrait peut-être que Robert Ménard fréquente les animaux. Voilà. Mais pas n'importe quel animal. Un animal gentil, lisse, dont l'œil rond respirerait la bienveillance et le respect. Moi, le gentil dauphin. Ah, C'est beau. Mathilde Amé est pour. C'est beau. Oui, Robert Ménard, malgré vos sarcasmes qui rebondissent contre mon indifférence comme une carcasse épaisse, Robert Ménard devrait fréquenter les dauphins. Car le dauphin est l'animal le plus gentil de la Terre. Il apaise les tensions, il débranche un peu les esprits en surchauffe. C'est un animal très important. Et justement, la littérature, qui quelque part a compris Robert Ménard, vient de faire paraître un livre exquis qui s'appelle Histoire d'Irène. Il est signé Eri De Luca. C'est un des grands écrivains italiens. Aujourd'hui, je vous recommande chaudement Eri De Luca. Et son Histoire d'Irène, eh bien, c'est une fable. Donc, il n'y en a pas beaucoup en littérature des fables. Alors, il faut se laisser porter dans un monde un peu étrange. Mais ça fonctionne. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Irène et qui vit avec les dauphins. Sur son village, dans son village, on est sur une île grecque, dans son village, on ne la salue pas, on pense qu'elle est sourde-muette, on la considère un peu comme une dame à mi-chemin entre la chose et le pot de fleurs qu'on salue à peine. Et personne ne connaît son secret, qui est que Irène a été élevée donc par des dauphins et chaque nuit, elle va nager avec eux. Alors d'habitude, quand les écrivains prennent comme héros un animal aquatique, c'est pas un dauphin. C'est pas tellement un dauphin. Soit c'est un animal offensif, comme l'orque, que l'animal doit, doit vaincre. Et dans ces cas-là, il y a un bras de fer. Il y a un côté spectaculaire. Spectaculaire. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas très bien le vieil homme et la mère de Ernest Hemingway avec Flipper le dauphin. Tout de suite, c'est pas tout à fait le même contexte. Soit c'est un colosse inaccessible, comme Moby Dick, par exemple. Mais le dauphin, lui, c'est exactement l'inverse des deux. C'est-à-dire qu'il est à la fois inoffensif et il est accessible. Alors au départ, le narrateur ne sait pas qu'Irène donc vit avec les dauphins. Ils sont sur la plage, ils la regardent et ils trouvent que sa démarche est étrange. Quand Irène marche, c'est avec des tout petits pas très courts. Et puis, quand elle nage, elle a les jambes soudées, effectivement, donc comme les dauphins. Et le narrateur trouve ça un peu bizarre. Et puis, un jour, il la surprend, elle arrive à jouer un air d'harmonica sans reprendre sa respiration. Elle a une capacité comme ça respiratoire assez hors norme et en fait, elle imite les dauphins qui sont capables de commander leur respiration. Un jour, Irène lui livre son secret, et donc elle n'est pas sourde-muette puisqu'elle parle. Et là, le narrateur comprend qu'elle maîtrise les ultrasons émis par les dauphins et d'ailleurs, elle communique avec eux. Alors du coup, Eri De Luca, il fait l'éloge des animaux en comparant avec le règne humain. Alors ça, c'est une mécanique littéraire vieille comme le monde, depuis les fables de La Fontaine jusqu'à Picsou, hein, c'est-à-dire qu'on prend l'animal pour parler de l'humain et pour parler surtout des défauts de l'humain. Par exemple, Eri De Luca remarque, je cite, « Le règne des dauphins est une république. Il est dépourvu de couronne, le plus inefficace des couvre-chefs, incapable de protéger du soleil et de la pluie. » Ce qui est quand même une très belle définition de la couronne et de l'appétit de pouvoir, souvent lié à l'humain. Les lois de la République étant quelque chose que Robert Ménard a un tout petit peu perdu de vue, en plus, ça tombe très bien. Et puis, la mère, dit Eri De Luca, est profondément attachée à l'égalité, contrairement à d'autres. Elle aplanit les niveaux, elle donne de la nourriture à tout le monde, elle répartit les richesses. Conclusion, c'est drôle que le communisme n'ait pas pris la mère comme exemple, écrit Eri De Luca. Sur ses drapeaux à fond rouge, dansent des marteaux, des faucilles, des compas et des étoiles, mais pas une seule vague. Ce qui est assez joli. Donc voilà pourquoi Robert Ménard devrait nager plus souvent avec les dauphins. Par exemple, dans les parcs aquatiques de sa région, il y en a plein. Et puis guettons sa démarche, Charline. Si on le voit un jour arriver vers une estrade d'un meeting politique avec des petits pas très courts et qu'il s'exprime soudain par ultrason, nous saurons qu'il a écouté cette émission et qu'il a lu ce livre dont je vous redonne les références. Histoire d'Irène de Eri De Luca est publié chez Gallimard. Et on rappelle que toutes les références de vos livres, Clara Dupont-Monod, on peut les retrouver sur franceinter.fr, sur la page de notre émission. Comme à partir de ce soir, vous pourrez voir la bande-annonce pour vous mettre l'eau à la bouche de Open Space au Théâtre de Paris jusqu'au 12 juillet. C'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h30. Notre invité, c'est Mathilde Amé. Et on va aborder avec vous le troisième sujet, on est vraiment bien ensemble, ça vous dit quelque chose, non? Et en plus, on est cinq, alors que dans Plus belle la vie, ils font ça à trois. On n'arrivera jamais à les convaincre. Calme-toi. Surtout pas d'allusions lourdes, que des métaphores. Compte sur moi, pas d'allusions lourdes, que des métaphores. David, Martine, alors, on baise? Pardon? On baise. Claire, je vais dire on baise parce que Sophie a mis les petits plats dans les grands. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un martini. Est-ce que tu as remarqué qu'en changeant deux lettres à martini, ça fait martinet? Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah. À coca pour moi. Est-ce que tu as remarqué qu'en changeant cinq lettres à coca, ça fait chatte? Catherine et Valérie Le Mercier. J'adore. Alors, je vous explique. Mardi soir, France 3 a diffusé un épisode de Plus belle la vie. Oui. Vous savez, qui existe depuis 11 ans sur la chaîne. C'est incroyable, quand incroyable. Même. Incroyable. Alors, il colle évidemment beaucoup à la réalité de la société. Donc, il a été question de mariage gay, de rouler un joint. Alors, déjà, il y a eu des problèmes avec le CSA là-dessus. D'avortement, de raquettes d'adolescents, etc. Et là, un plan à trois. Avec Ménard. Et un dauphin. Alors vraiment, on a regardé la séquence. Et tout ça dans un open space. Mais oui, exactement. Mais alors, la séquence est très rapide. On voit pas grand-chose. Alors, c'est vrai qu'il y a du poppers aussi, aphrodisiaque et euphorisant. Mais où va la France ? Mais c'est ça. On sait pas. Alors, en tout cas, c'est ce que se demande le CSA, parce que figurez-vous, le CSA qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Parce que toujours embrasser le CSA. Parce que embrassons avec la langue. Voilà. Alors, comme ils s'ennuient un peu, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils se sont dit, on va regarder, on va examiner la chose. Ils ont quand même reçu 3 plaintes émanant d'anonymes ou d'associations. Et en Belgique, l'épisode a été diffusé il y a 5 jours et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais qu'est-ce pourquoi, qui se passe en France ? Est-ce que c'est grave pas ou compris, pas hein. Je sais pas. Merci Clara Dupont-Mono. Alors, les Français sont choqués, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, apparemment, enfin quelques-uns, et ça pose question. Et régulièrement, dans Plus belle la vie, comme il colle à l'actualité, qu'il y a des sujets de société, voilà, on apprend à rouler un joint dans Plus belle la vie. Mais est-ce qu'on peut apprendre aux gens ce que c'est que la fiction, ou bien comment on fait ? Ben, alors, déjà, on va dire au CSA. Attendez, le CSA, c'est de la fiction. Bonjour. Bonjour. Fiction. Parlez plus fort, ils sont vieux. Hein, ils sont 8, ils peuvent faire des trucs à 8, ils sont plus nombreux. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est d'un coup transposé dans un autre univers, en fait. Quand on regarde la séquence, on est d'un coup propulsé dans un téléfilm érotique des années 80. Un peu type M6, vous voulez dire. Oui, exactement, type série Z, avec une espèce de musique de synthé derrière un peu pourrie, un décor de studio de location au ski. J'ai un début d'érection, moi. Et ça dure pas longtemps, c'est histoire d'être le reflet d'une génération. Et quant aux poppers, la productrice dit en tout cas, ils auraient pu sniffer du romarin, c'était pareil, on dit pas que c'est du poppers. Est-ce que la France est devenue très très puritaine et c'est difficile de faire des choses, est-ce que vous avez ce sentiment-là ou pas tellement? On a entendu le sketch là qui allait quand même pas loin. De toute évidence, on peut quand même voir, constater malheureusement qu'on est un petit peu en régression là, il y a une espèce de nostalgie malsaine autour de valeurs bizarres. C'est un mouvement. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de projets justement. Et de vision. Et d'idéaux. Et d'idéaux. Et que donc on se plonge du coup en réaction à une sorte de nostalgie chelou. Du côté obscur de la force. Ouais. Il y a aussi Frédéric Fromet, lui, il égaye le vendredi avant le week-end, même si certains sont déjà en week-end. Frédéric Fromet, hello, bonjour. Bonjour. Alors de quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Moi je voudrais défendre Robert Ménard. C'est pas possible, ne faites pas. Bon Dieu, on va encore avoir des problèmes, écoutez, allez-y. Je pense qu'il est complexé par son prénom. D'ailleurs, il y a très peu de chansons en l'honneur de Robert. Donc je vais réparer cette injustice. Robert, il s'appelle Robert. C'est un prénom bien de chez nous, pas comme Abdel ou Mamadou. Un prénom super qui sent bon le cochonou. Robert le maire, il va pas partout. Il marche pas au kebab. Son fichier beurre connaît les musulmans par cœur. Tous les mouloudes, tous les marmoudes. Et à trier Robert pour qu'il s'en aille. Robert n'aime pas les beurettes qui ont envie de Béziers. Les beurettes de Béziers, Robert s'amuse à les compter. Je me présente, je m'appelle Robert. Je voudrais bien virer les berbères de ma ville. Une ville rien qu'entre blancs. Entre blancs qui n'ont pas d'accent. À part le Migne, une ville rien qu'avec des copines. Et j'ai perdu Kader depuis qu'il a vu Robert. J'ai perdu Mokhtar depuis qu'il a vu Ménard. Et papa Robert, dis pas qu'on a de la veine. Un arabe de perdu, y en a 10 qui reviennent. Robert, lève-toi et danse avec Mehdi. N'aie pas peur, je surveille ta carte de crédit. Je suis le Youssef qui pique ton 4 heures. Le Youssef qui pique ton 4 heures, mon Robert. Robert, Robert, Robert. Oh, calme-toi. Qu'est-ce t'as contre Youssef? Fais pas la tute en chef, faut pas écouter Jean-François Copé. Youssef ne va pas te piquer ton goûter. Oh, c'est le père Robert qui veut perdre Aïcha. J'en crie par la fenêtre, dégage de chez moi. La petite mère Aïcha lui répond à raison. Je suis autant chez moi que toi, casse-toi, pauvre con. J'ai pris un coup de taser, c'est la faute à Robert. Demain y aura les chars, c'est la faute à Ménard. Si ça craint dans l'Hérault, c'est la faute à Roro. Béziers les mains en l'air, c'est la faute à Bébert. On le trouvait pas très joli, Bobby. C'est vrai qu'il est pas très joli, Bobby. L'aime pas quand c'est cosmopolite, il est devenu très très limite, l'ancien reporter sans frontières. Merci, c'est super, fantastique, c'est vachement bien. Quand il y a des sujets graves et qui nous agacent, il y a Frédéric Fromet qui est là et qui désamorce les choses. Frédéric chez soi tous les jours. Ah oui, mais c'est vrai. On le loue. Il est bien, très attractif. Eh, écoutez, vous pouvez le retrouver tous les vendredis. Et puis il y a quand même pas mal de vidéos qui fleurissent sur YouTube parce qu'il nous a fait quelques les tubes. Quelques tubes de Frédéric Fromet. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Mathilde Amé d'être restée avec nous. Merci. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous dans la bande. Je rappelle que vous présentez la pièce Open Space, qui est plus qu'une pièce, beaucoup plus, au Théâtre de Paris jusqu'au 12 juillet. C'est du mardi au samedi à 21h, le dimanche aussi à 15h30. Vous avez fait plein de choses, la mise en scène, composer la musique. Ouais. Voilà, on vous le conseille. Donc allez voir sur franceinter.fr aussi la bande-annonce. Ça vaut le coup. Merci à tous. Alors à la technique, il y avait Alain Gadan et Benjamin de la Gâtinais. Merci à eux. À la préparation, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais figurez-vous qu'on a préparé. Il y a Sophie Hoffmann, Claire-Sophie Collet et à la réalisation, les doigts d'or de Benjamin Riquet. Merci Samir Boisdi. Avec plaisir. Merci Clara Dupont-Monneau. Merci Guillaume Meurice. On va se retrouver lundi avec Alex Vizorek qui rejoint la bande. Je vous donne deux petits rendez-vous ce week-end. Nos chouchous, par exemple, à 17h. Demain, si l'Amérique m'était comptée, Colin Mauduit parleront de Madonna. À 19h20, La vie est un jeu. Daphné Roulier recevra Thierry Frémaux. Et puis nos amis de l'Afrique enchantée, ce sera dimanche. Solo et Vlad. Une émission sur la mémoire de l'esclavage. Ils seront à Pointe-à-Pitre, notamment. Voilà, allez, le mot de la fin, à la réforme des collèges. Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? C'est Internet Explorer.